J'écris ces lignes avec sincérité. Je vous demande d'y croire, quoi la vérité. C'est que j'en ai marre de raconter des histoires. Je crois que des excuses sont méritées. Alors, avant que je m'éparpille, il faut que je me lance, maintenant c'est parti. J'aimerais qu'on m'excuse. J'ai que j'ai la tête dans les nuages. Que je suis trop souvent dans ma bulle et creux des cendres, faut l'envisager. Ouais, j'ai la rage quand on me confronte à mes torts. C'est parce que j'ai peur de vos cœurs, je veux pas qu'on m'expulse. Et pour tous les gens qui me disent des clics, quand est-ce que tu me parleras? Pardonnez-moi, c'est plus facile de fuir, de me soigner par le rap. J'aimerais qu'on me laisse plus de temps, clairement c'est pas assez. Excusez-moi de pas être parfait. Pardonnez-nous, on ne sait pas le mal que l'on fait à l'autre. Qui a tort ou a raison, qui osera reconnaître que c'est sa faute. Pardonnez leur rancœur et leur miséricorde absente. Demande juste à l'amour de l'ampleur qu'ils deviennent un exemple. Pardonnez-nous, on ne sait pas le mal que l'on fait à l'autre. Qui a tort ou a raison, qui osera reconnaître que c'est sa faute. Pardonnez leur rancœur et leur miséricorde absente. Demande juste à l'amour de l'ampleur qu'ils deviennent un exemple. Pardonnez-moi tous mes actes et le mal que j'ai pu faire dans cette impasse où j'ai passé un coup de balai sur ces poussières. Je dérange quand je repense à ces choses dont je suis pas fier. Comme cet ange posé sur l'épaule pour chasser Lucifer, qui fleure sur le fil de l'humour et du sarcastique, étouffé par les jeunes de nos jours dans un sac plastique. J'ai pas toujours été droit, je me suis moqué de ceux qui étaient pas comme moi. Ouais, parfois j'ai pas fait les bons choix. Mais on est con quand on est jeune, on se perd dans les décombres. On se bagarre dans la rue pour montrer aux autres qu'on est des hommes, puis on regrette quand c'est l'alcool qui fait qu'on est pas maître de tous nos agissements. Quand bien plus sombre, on serait même pas perdu. Pardonnez-nous, on ne sait pas le mal que l'on fait à l'autre. Qui a tort ou a raison, qui osera reconnaître que c'est sa faute. Pardonnez leur rancœur et leur miséricorde absente. Demande juste à l'amour de l'ampleur qu'ils deviennent un exemple. Pardonnez-nous, on ne sait pas le mal que l'on fait à l'autre. Qui a tort ou a raison, qui osera reconnaître que c'est sa faute. Pardonnez leur rancœur et leur miséricorde absente. Demande juste à l'amour de l'ampleur qu'ils deviennent un exemple. J'ai apaisé mes peines, délesté mes épaules. Je respire à fond, conscient qu'on vit pendant que certains s'en vont. J'ai retissé ma toile. Poudrer des milliers d'étoiles, j'ai plus sur ceux qui m'ont sali. Apprécier la vie, ça s'apprend. Qui ne veut rien faire trouve toujours une excuse. Ça prend trip, y'a pas de miracle et ça t'irrite. Tu veux plus que ce que tu mérites, réveille-toi, réagis. La magie c'est que tout agit en fonction. Vite à tirer les foudres, esquive les tirades satiriques. C'est pour toi, visant l'horizon, naviguant où y'a que la vase. Si un homme averti en vaut deux, retiens la goutte, la tasse. Souvent faut revoir ses positions avant d'entrevoir ses joies. On peut s'éteindre en attendant ses rêves sans même en atteindre une fois. Pardonnez-nous, on ne sait pas le mal que l'on fait à l'autre. Qui a tort ou a raison, qui osera reconnaître que c'est sa faute. Pardonnez leur rancœur et leur miséricorde absente. Demande juste à l'amour de l'ampleur qu'ils deviennent un exemple. Pardonnez-nous, on ne sait pas le mal que l'on fait à l'autre. Qui a tort ou a raison, qui osera reconnaître que c'est sa faute. Pardonnez leur rancœur et leur miséricorde absente. Demande juste à l'amour de l'ampleur qu'ils deviennent un exemple. J'ai vu ma vie tanguée, mais loin des vagues et des bonnes vapeurs de la mer. Pardonne-moi mes divagues quand je suis sous tisse, que je raconte de la merde. Faut que je remercie les gens sincères, que les bonnes ondes me ramènent. Que je présente mes excuses et sans quenelle à celui qui pourrait l'admettre. Faudrait que je bosse sur moi-même afin de trouver l'amour. À courber le dos sur les blessures de la veille, je crois que j'ai fait le tour de la boucle. Donc je demande pardon à ma mère, ma soeur et à mes sauces qui s'inquiètent de mon sort, qui se disent peut-être un jour il fera les choses. Fini l'époque où je pouvais dire que j'avais pas peur de la mort. Regarde ce que gagne celui qui investit dans les saveurs de l'armoire. Donc je vais pas jouer le stupéfait, non. Car au fond les excuses ne sont bonnes qu'à faire grandir celui qui les fait. Pardonnez-nous, on ne sait pas le mal que l'on fait à l'autre. Qui a tort ou a raison, qui osera reconnaître que c'est sa faute. Pardonnez leur rancœur et leur miséricorde absente. Demande juste à l'amour de l'ampleur qu'ils deviennent un exemple. Pardonnez-nous, on ne sait pas le mal que l'on fait à l'autre. Qui a tort ou a raison, qui osera reconnaître que c'est sa faute. Pardonnez leur rancœur et leur miséricorde absente. Demande juste à l'amour de l'ampleur qu'ils deviennent un exemple.